Chers amis, vous êtes et nous sommes une large partie de ce monde et nous avons notre mot à dire sur les affaires universelles et pas simplement à nous considérer comme responsables d'un canton de la planète. Bien entendu, vous souhaiteriez que les relations entre les deux superpuissances n'aient jamais à interférer avec les problèmes qui sont en priorité les vôtres. Vous souhaiteriez que les controverses sur les rapports Est-Ouest n'occultent pas les questions du développement, et la France, pas davantage, ne l'accepte. Mais nous devons tenir compte des réalités du monde. Votre objectif est d'empêcher que l'Afrique ne devienne le champ clos des rivalités et des contradictions d'intérêts extérieurs à votre continent. Tel est aussi le point de vue de la France. Deux dominantes, semble-t-il, dans ces interventions, Elie Kamboukolo. Un, l'évocation de liens privilégiés entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique, et la référence permanente à l'affrontement des deux blocs. Oui, Philippe Saint-Denis, on voit bien que les relations privilégiées entre la France et l'Afrique découlent d'une réflexion convergente des deux parties sur la situation du monde. Pour les hommes d'État africains, il faut préserver la souveraineté récemment acquise et donc encore fragile et essayer de se placer en dehors ou plutôt le plus loin possible de la rivalité entre les deux blocs. La France, de son côté, depuis le général de Gaulle, a choisi une politique d'indépendance nationale, politique poursuivie par ses successeurs. Il est donc clair que, fondé sur l'évolution des rapports entre les deux blocs, ces liens privilégiés entre la France et l'Afrique vont évoluer. On va y ajouter de plus en plus la dimension nord-sud et, à l'intérieur même de l'Afrique, des infléchissements vont apparaître. Voyons donc un exemple, non pas de cette rupture, mais d'une évolution. En juillet 1985, Laurent Fabius est Premier ministre du gouvernement français. Une conférence de presse lui donne l'occasion de préciser, au lendemain de la proclamation d'urgence en Afrique du Sud, les mesures prises par son gouvernement à l'encontre de Pretoria.